La puissance, respecte la puissance, la dinguerie, respecte la dinguerie, la vaillance, respecte la vaillance, la puterie, respecte la puterie. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Hey hey hey, respectez la Audemars, j'ai souffert sur mon parcours. Respectez le boulard, elle est refaite de partout. Respectez les humains, j'ai dit respectez les humains. Vous respectez les putains, nous on respecte le butin. Le respect c'est le respect, vous allez nous respecter. Le respect c'est le respect, vous allez nous respecter. Sous-estime pas le dozo, on a des torpilles sous le cargo. Rappelle-toi de nous bolos, B.H. n'oublie pas de me follow. On est plus fou que vous, ce n'est pas de la chance. On s'impose par les armes et la violence. Renoir, je parle pas King Chong, je suis Martin Luther King Kong. Hey, tu nous respectes pas, on va te mougou. Gilet pare-balles, nouvelle paire de loulou. Nous, c'est le GBBB. On te menace en PGP. Il est l'heure que tu prennes ta dose. Sur ma Rolex, Daytona Gold Rose. Je suis le boss posé à ma bleuta. T'es dans le coffre, dans le pain ou dans hey, la veuca. Hey, hey, respectez la Audemars, j'ai souffert sur mon parcours. Respectez le boulard, elle est refaite de partout. Respectez les humains, j'ai dit respectez les humains. Vous respectez les putains, nous on respecte le butin. Le respect c'est le respect, vous allez nous respecter. Le respect c'est le respect, vous allez nous respecter. Celui qui va à la chasse, ce soir il perd sa tasse. Trop de bouteilles à la table, ce soir on boit la tasse. En boîte me fais pas de rappel, assume-toi fais pas le bipolaire. Ma maîtresse est en CFA, champion de cycle pour la titulaire. Oui, c'est comme ça qu'on vit. Tu payes pas, tu tisses pas chez nous, c'est comme ça qu'on dit. Ah baby, j'étais ses plans pénards, j'étais mat ou pétard. Ton gava est vénère comme toi petit vénard. Ton gava veut s'péta, je vais t'y sors mon pétard. Je vais le bébard, je vais te kebab, puis on fera les fêtards. Respectez la Audemars, j'ai souffert sur mon parcours. Respectez le boulard, elle est refaite de partout. Respectez les humains, j'ai dit respectez les humains. Vous respectez les putains, nous on respecte le butin. Le respect c'est le respect, vous allez nous respecter. Le respect c'est le respect, vous allez nous respecter. Respectez, vous allez nous respecter. Mais ils sont fous, respectez. Vous allez nous respecter. Ah oui, respectez. Vous allez nous respecter. Mais ils sont fous, respectez. Vous allez nous respecter.